moi j'ai la chambre, papa. Ah, moi bon tija. Ou appétuyé. Ah, moi bon tija. Serré l'obéi là, papa. Papa bon tigo. Moi j'ai la chambre, ou appétuyé, serré l'obéi là. Oh, papa mouéni. Moi j'ai la chambre, ou appétuyé, serré l'obéi là. Oh, papa mouéni. Manger la chambre, maman est bon tija. Ou appétuyé, maman est bon tija. Tu es moi non, tu es moi non, tu es moi non, tu es moi non, tu es moi non, tu es moi non. En bas banana, en bas patata, en bas zipina, en bas sabotia, en bas café. Maman vit loin, moi. Papa vit loin, moi. Ma frésilienne. Comme ça, ma gueule, ta férie. Vous tous. Vous tous. Tous. Vous tous. Tous. Vous tous. Ça cap gado là ou ta possédé soit ta besoin encore oh on y a passé ça non point c'est pas exemple j'ai ta mande au côté ou travail soit ta dire belambi belambi belambi c'est pas exemple j'ai ta mande au qui service ou fait soit ta dire service de nuit fait et c'est pas ça j'ai ta dire qui j'en fais une petite comme ça soit ta réponse mais son question de toute la nuit là ouais, allons de nuit ouais, passe à dormir, une tourne au crayon, la taille toute la nuit. Ah, gardez-nous. Qui Joshua fait comme ça? Ou bien jouer dans mon bois, puis vous passez, ça l'avait dit ça. Jouer là dans mes mains, c'est pour qu'on ne jouer là. Gardons des nuits, ou maman, passe à dormir, une tourne au crayon, la taille toute la nuit. C'est vrai, oui. Ou regrette dans l'école ça? On y met ton crayon dans mes mains, et puis on va vous faire papier tout noir. Et puis on va dire crier. Mais pour la tête, il bout de la crête dans mes. C'est vrai, oui. Vous regrette ma fille. Vous regrette ma fille. C'est vrai, oui. Vous regrette ma fille. Vous regrette. Tout le temps, nous avons mon crayon. Papier de crayon, on fait papier noir. Crayon fini, il bout de la crête dans mes mains. Vous regrette. Vous regrette ma fille. Vous regrette, oui. Vous regrette. Regrette ma vie, regrette, regrette, regrette ma vie.